بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هل يجوز لي كوالد أن أفتش في جوال وكمبيوتر أبنائي؟ Ils ont posé cette question à Cheikh Al-Fawzan حفظه الله dans son درس d'explication de الدر النضيد de l'imam Shawkani رحمه الله. Est-ce que en tant que père ou mère, c'est permis pour ce parent de faire des recherches, de fouiller dans le téléphone de son enfant ou dans son ordinateur? Est-ce que هذا c'est permis? قال الشيخ رحمه الله حفظه الله: نعم هذا واجب عليك تفقدها وتنظر فيها. بل الشيخ هنا sa réponse قال: c'est une obligation, c'est واجب. On revient à la question: est-ce que c'est permis de faire des recherches, de fouiller dans le téléphone de nos enfants, dans leurs ordinateurs, dans leurs affaires? الشيخ il a répondu, il a pas dit c'est permis, قال c'est واجب, c'est obligatoire. لماذا؟ لأن هذا c'est من باب الرعاية. Ça fait partie de notre responsabilité, surtout cette époque où qu'on vit. Donc il y a aucun mal, belle c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'on est responsable de nos enfants. قال وكما ذكرت لكم لا يشترى لهم جوالات فيها اكثر من الاستخدام للمكالمة. تأمل cette نصيحة. أولا, on revient, la fatwa du Cheikh, il a répondu c'est obligatoire. Obligatoire, fais des recherches. On ne sait jamais. Et on a un point important, wallahi alham, tous les parents, ils le savent, ton enfant, il ne te dit pas tout. Surtout quand il entend, il atteint un certain âge. S'il fait une mauvaise chose, il ne va pas venir te le dire en général. Et les enfants, ils ont cette habitude de cacher certaines choses. Si tu ne fais pas attention, si tu as des indices, changement de comportement, il fréquente certaines personnes, tu as des doutes, tu sens qu'il est anxieux, qu'il est angoissé, qu'il réfléchit, fais attention, peut-être que ton enfant, il est en train de vivre une chose, il est en train de franchir une étape dans une chose, et tu ignores. L'enfant, au départ, certaines choses, il ne peut pas le dire à ses parents. Il a peur d'une punition, il a peur de telle chose, il va cacher. Et à cause de sa faiblesse, il a du mal à cacher. Fais attention. On continue. Cheikh Hamidullah, il va plus loin. Il y a une autre étape à ne pas négliger. Ce téléphone qui est cause de beaucoup de mal, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Lakin Cheikh, il va plus loin. À la base, n'achète pas ce téléphone qui renferme beaucoup de mal. Cet enfant qui a 10 ans, on vit à une époque, l'enfant il a 10 ans, il a déjà ce téléphone. Tu peux prendre des photos, tu peux filmer avec internet, avec les réseaux sociaux. Fashir qa la yushtara lahum jawalat fiha akthar min al-istikhdam lil-mukalama. T'amal le savant comme il voit loin. Le savant il sait très bien que des parents ils vont dire mais le téléphone on a besoin. Sahih, tu peux avoir besoin d'un téléphone. Mathalan, les parents ils ne sont pas à la maison, ou l'enfant il n'est pas à la maison, tu dois l'appeler, c'est important. Lakin, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin en priorité? Et c'est ça la fonction principale du téléphone, c'est d'appeler ton enfant. Donc pourquoi tu n'achètes pas un téléphone à ton enfant, ou qu'il n'y a que, comme a dit le Cheikh, al-mukalamat. Al-mukalamat, c'est les appels. Les anciens téléphones, comme ils appellent un bouton rouge, un bouton vert. Il appelle et il raccroche. Si on parle bien sûr dès le plus jeune âge, mal enfant quand il grandit, on vit à une époque, forcément il aura ce téléphone. Lakin anta wallahi alhamd, d'arriver à un certain âge avec une bonne éducation, tu auras fait les efforts et lui, il aura appris wallahi alhamd les choses qui sont utiles et les choses qui sont mauvaises. Thumma, s'il fait le choix de suivre le mauvais chemin, le père et la mère, ils vont pas rester toujours derrière cet enfant. Cet enfant, il va se marier, et là, après, ça va devenir un adulte. On parle, les enfants qui sont encore jeunes. C'est même plus des jeunes, c'est des enfants. Vraiment des enfants. 9 ans, 10 ans, ils ont déjà un téléphone. Et comme minannas waqa'u fi masaib. Combien de personnes, vous avez sûrement entendu ce qu'il se passe ces jours-ci. Beaucoup de jeunes filles, 11 ans, 12 ans, 13 ans, à cause de ces téléphones, certaines, elles ont mis fin à leur jour. Les malades, il y en a certains, ils les filment, ou certains, ils arrivent à leur faire dire des choses, à leur faire faire des choses, et ils les filment, Thomas, ça se propage dans les réseaux sociaux. Des filles de parents musulmans, et elles ont mis fin à leur jour. Limada, à cause de cette moussiba. Enfin, fais attention. Fais attention que cette faiblesse, je dois acheter ce téléphone à mon enfant. Pourquoi? Parce que sinon il va faire la tête, sinon il pleure. Parce que tous les enfants, ils ont ce téléphone. Et après, certaines filles, elles n'avaient même pas de téléphone. Elles se font filmer hakada à leur insu. Là, on ferme la porte du mal à la base. Ne crois pas que tu rends service à ton enfant quand tu lui achètes ce téléphone avec toutes ces massailles. L'enfant, quand il est petit, il n'a pas besoin de ses réseaux sociaux, il n'a pas besoin de toutes ces choses. S'il a besoin d'une chose pour ses parents, c'est les appels. Thomas, s'il a besoin d'Internet, c'est avec ses parents. فلهذا قال الشيخ لا يشترى لهم جوالات فيها أكثر من الاستخدام للمكالمات يجي فيها عروض وبلاوي وأشياء محرمة. نعم لأن ce téléphone, on parle des nouveaux, les smartphones, même si tu veux pas certaines choses, c'est ces choses qui arrivent avec les réseaux sociaux. Des publicités, des demandes dans les réseaux sociaux pour être ami, pour être ma'adri eish. Et واحد ربما يتم sur une mauvaise personne qui lui fait du mal dans son corps et son cœur. بعض الناس والله لا يرحمون, surtout les enfants. فلهذا قال الشيخ لا تشتري هذا الجهاز لهم. نعم. À la base, avant de regarder, quand on réfléchit, et c'est cela la réflexion du cheikh, hafidhahullah ta'ala, ahyanan on se pose des mauvaises questions. On achète le téléphone, donc on se pose la question comment faire pour éviter le mal. Pour éviter le mal du téléphone, aslan il ne faut pas l'avoir. C'est comme un qui achète une bombe, il la met chez lui et il fait attention pour pas qu'elle explose. Achète pas la bombe, ne la fais pas rentrer chez toi, aslan. On répète, il va dire mais les téléphones on a besoin. On est tout à fait d'accord, on a besoin, même avec nos enfants, pour les appels. Et main fixe à la maison si c'est la maison. S'il n'y a plus de fixe ou c'est pas à la maison, achète-lui un portable. Personne ne te dira que c'est interdit. Il y a qu'un portable simple pour les enfants, pour pas qu'il n'y ait de fitna et pour fermer les portes. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.